Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La vie de chantier, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a toujours voulu savoir ce qui se passe derrière les palissades, au-delà du panneau « Attention, travaux », dans ce monde du bâtiment qui a sa propre langue et ses propres usages. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, du beau béton, une peintre qui aime son métier, des préjugés, des règles de sécurité, des tenues noires, blanches ou bleues, et un homme qui a vu ses mains changer, s'épaissir, ses phalanges se muscler au contact des outils et de la matière et qui doit désormais doser sa force. Mais pour commencer, troisième épisode, la tension monte. Les chantiers. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Sur un chantier, il peut y avoir 30-40 compétences complémentaires qui agissent en même temps. Luc Weisman. Le maçon, le terrassier, le ferrailleur, le bancheur, l'électricien, le charpentier bois, le charpentier métallique, qui ne sont pas du tout les mêmes mondes, le menuisier, tous ces métiers, le plombier, le chauffagiste, l'ascensoriste, celui qui va ne faire que des ascenseurs, il y a une espèce de sophistication de l'ascenseur, c'est un métier assez exceptionnel, qui est complètement méconnu par exemple. Ou bien le plâtrier, ou le peintre, le carreleur par exemple. Et chaque métier a ses gestes, a son imaginaire quelque part, a sa réalité, sa sévérité propre. Et tout ça compose une espèce d'action collective qui s'ordonne dans le temps, parce qu'en fait un chantier c'est autant la construction d'un espace que la construction du temps. Puisque pour organiser un chantier, il faut fédérer tous ces acteurs, les mettre dans un certain ordre. Les actions se combinent les unes avec les autres, dans la durée, et dans un ordonnancement qui est à penser. Et donc le chef de chantier ou le responsable du chantier pense autant le temps que l'espace, curieusement. Plus l'argent, parce que la réalité d'argent est évidemment omniprésente sur un chantier. Le temps, c'est de l'argent, la matière, c'est de l'argent, et le travail de l'homme, c'est de l'argent. Le plus important chantier du monde se trouve à Paris, au rond-point de la Défense. 1958. France, qui est toujours si critiqué, et qui d'autre part met sans cesse en valeur les belles réalisations de l'étranger, oublie généralement de montrer les belles réalisations françaises. Et c'est pour les montrer que nous sommes venus interviewer aujourd'hui le président Pouvreau, et lui demander de nous présenter son chantier. Il fallait à la France ce que les étrangers possèdent, le moyen de montrer leur production industrielle. Aussi, nous avons voulu leur fabriquer cet écrin qui, j'espère, sera digne d'elle. Ce sera le musée de l'industrie française. Ce sera le musée permanent de l'industrie française. Et combien coûte cet immense bâtiment? Environ 3,5 milliards. Et comment construire le mur du sang s'il n'y avait pas de maçon? Alors déjà, quand je dis que je suis peintre et que je travaille dans le bâtiment, ce qui surprend, c'est le fait que je sois une femme. Souvent, les gens vont réagir, ah, c'est rare, les femmes... En général, c'est plutôt positif. Maud. Après, moi, ce qui me déçoit un petit peu, finalement, c'est les préjugés. Parce que moi, maintenant, je dis que je suis peintre. Et on va toujours me poser la question, ah, mais t'es peintre, tu fais quoi? Des tableaux, du bâtiment? Moi, je dis toujours, bah, je suis peintre en bâtiment parce que je renie pas ce métier-là. C'est un métier que j'aime. Et par contre, à côté, je suis aussi peintre en décor. Et je trouve ça dommage qu'on ait plus de préjugés sur l'un que l'autre, alors que les deux sont des métiers qui se complètent et qui sont vraiment techniques. Il y a rien du tout dans ma famille, de près ou de loin, qui se rattache à la charpente. J'ai eu la chance de tomber chez mon premier patron, qui eux étaient charpentiers de père en fils depuis 7 générations, Monsieur Bernard, à Saint-Victor en Ardèche, qui m'ont appris les bases de mon métier en fait. Et j'ai aimé ce métier, j'y suis resté, et voilà. Pourquoi vous avez aimé ce métier ? Je fabrique des choses. C'est hyper important en fait. Nous on a commencé à l'époque, il y a près de 20 ans, c'était des maisons chez les gens. Et c'est important de... On leur offre le projet d'une vie, en fait. Et les gestes que vous avez appris, est-ce que vous les aimiez ? Enfin, voilà, vous avez appris à porter des choses lourdes, vous avez appris à ne pas vous blesser. Heureusement, il ne m'est jamais rien arrivé. Jean-Bernard Payet. Non, ben non, parce qu'on fait attention, puis il y a des gens qui nous... 34 ans que je suis dans la construction bois. Oui. Donc le métier a énormément évolué. Il y a 30 ans de ça, on travaillait encore comme au Moyen-Âge. Jean-Luc Lemoine. Aujourd'hui, on utilise vraiment des moyens de levage type nacelle. Ça fait déjà pas mal d'années. Des grues. Avant, on portait tout à l'épaule. Est-ce qu'en gagnant du confort, on perd une beauté du geste ? Alors, on n'a pas perdu une beauté du geste. Le métier est resté. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de préfabrication en atelier. Tout arrive en camion. Ça permet aussi de gagner en temps de pause pour les chantiers, donc on y gagne au niveau planning, et en même temps d'alléger au niveau des travaux un petit peu forcés sur les chantiers des ouvriers, quoi. Aujourd'hui, les ouvriers, voilà, ils ont des plans de pause. Avant, il fallait qu'ils dessinent. Voilà. Aujourd'hui, tout est synthétisé, on va dire. Il y a des synthèses avec des incorporations qui sont faites en atelier. Ça arrive, ils sont là vraiment pour poser. Hormis sur un bâtiment comme ça, où je voulais vous faire voir vraiment que notre métier existait encore, quoi. Alors, le savoir-faire se perd, à qui la faute ? Vous savez, au 19e siècle, jusque dans les années 30-40, pour décrire une façade parisienne, Rudy Ricciotti, haussmannienne, ou même la première période moderne, il fallait 100 mots entre le sommet de la toiture et le contact au sol. Les menuiseries, les encadrements, les volets, les ouvertures, toute l'ouvragerie, la narration qui fait ce Paris du 19e qu'on adore, hein, le Paris de Victor Hugo, sublime, surtout quand lorsque Victor Hugo écrit « Halte aux démolisseurs ». Et il fallait 100 mots. Aujourd'hui, il ne faut plus que 3 mots pour décrire, ou 4 mots pour décrire une façade. Si on a perdu 96% des mots, c'est qu'on a perdu 96% des savoir-faire. 96% même des noms de métiers, comme ferblantier, limousinant, mais il y avait plein de métiers. Je suis un jeune vieux à 68 ans, et je vois déjà que les métiers se paient. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de bien comprendre que les métiers produisent une cohésion sociale, et que l'industrie du bâtiment... Même si vous n'aimez pas le mot industrie, moi je l'aime ce mot, c'est la richesse de notre pays, la France, que l'économie, l'industrie du bâtiment est une redistribution de richesses beaucoup plus forte que d'autres industries. Pas beaucoup plus forte que l'énergie, les industries de l'énergie, ou pire, les industries du numérique, ou pire, les pirates comme Amazon, etc., qui ne sont pas dans la redistribution de la richesse, mais plutôt dans le pillage des richesses, y compris le pillage des richesses publiques, non ? Mais ce sont des industries dites propres. Il faudrait quand même réapprendre à avoir un peu d'amour pour les industries dites sales, non ? En dehors de l'aspect architectural, est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez belles sur un chantier, que ce soit des matériaux ou des machines ? Ça peut être une grue. Enfin... Alors moi, je suis pas trop machine. Par contre, à l'inverse, Benoît L'Apostole, un beau béton me parle. Mais par exemple, là, on a réalisé sur le chantier du Sictum d'Ivry la fosse en coffrage glissant, ce qui nous a valu d'ailleurs un record du monde. Mais c'est la particularité, c'est que le béton, il sort avec des strates visibles. Donc ça peut paraître moche, on va dire, et mal fini. Mais je trouve que ça dégage une puissance presque industrielle. Et qui, en plus, sur un projet d'usine de traitement des déchets, je trouve, a bien sa place. Et d'ailleurs, ça, j'en discutais avec l'architecte. Justement, on se demandait s'il fallait mettre une finition dessus ou pas. Et l'architecte était un peu comme moi, à dire, au final, ça prend tout son sens dans ce cadre-là. Et au contraire, il vaut mieux le mettre en avant. Donc ça, c'est l'exemple d'un béton qui, dans un autre contexte, je pense, paraît très moche et mal fini, mais... Quand on le remet dans son contexte, avec la méthode de réalisation, etc., je trouve qu'il dégage une vraie puissance. Je ne saurais pas comment décrire un beau béton ou pas, mais ça, moi, ça me parle. J'aime le levage, j'aime le montage de structures en ossature bois, j'adore. Que ce soit sur un chantier aussi gros que celui-ci ou sur une maison individuelle. J'aime poser des vraies charpentes. Pas des charpentes à l'américaine qu'on appelle les fermettes, nous, en France. Les vraies charpentes latines qu'on a taillées à l'atelier, que ce soit avec une scie ou avec autre chose. Hein. Ça, c'est ce que j'aime faire. Ouais. Quelle est la différence entre ces vraies charpentes et les fermettes? C'est des petites fermettes assemblées en usine qui font 3,5 cm d'épais. Et c'est assemblé sous presse avec des connecteurs métalliques. Ça a son avantage sur certaines choses, mais bon, ça reste c'est de l'industriel, quoi. C'est pas, il n'y a pas de travail de bois, en fait. Il n'y a pas d'assemblage, il n'y a rien du tout dessus. Notre métier, c'est industrialiser tout en gardant la partie traditionnelle. Voilà. On n'est pas dans le système américain où vraiment on était obligé d'y venir un petit peu, mais on a resté quand même nos modes traditionnels. On a toujours des queues d'aronde, on a toujours des assemblages qui existent. Des grands portiques avec des liaisons en tenon mortaise. Aujourd'hui, en France et en Europe, ça existe toujours. Peintre, en fait, c'est un métier qui est assez dévalorisé. Déjà, souvent, les personnes pensent que peintre, en fait, c'est simplement étaler de la peinture, alors que finalement, c'est peut-être 5% du métier. Donc, on va avoir tout ce qui est préparation de support. Donc, déjà, reconnaître ces supports. Donc, si on travaille sur du bois, du plâtre, du béton, si on a eu un dégât des eaux, ça va pas être les mêmes préparations. Donc, il y a toute cette partie préparation de support qui, finalement, va prendre, en fait, plus de 80% du temps. Et ensuite, dans les finitions, donc, il va y avoir effectivement la peinture. On a tout ce qui est enduit décoratif et aussi les papiers peints, par exemple, qui reviennent énormément en ce moment. Alors moi, c'est Monsieur Romeau, Anthony. Et quel âge avez-vous ? J'ai 41 ans. Ça fait 13 ans que je suis dans le monde de la grue. Et puis les tunneliers, on en sort depuis 5 ans maintenant, quand même pas mal. On a sorti, celui qui est arrivé ici il y a 5-6 ans, c'est nous qui l'avons sorti. On continue. Le premier tunnelier que j'ai fait, c'était pour Bouygues, sur la ligne 14 qui passe en dessous, en fait. Et voilà. Et on continue maintenant, et on n'a pas fini. Il en reste encore plein à faire. Comment devient-on grutier ? Moi, ça a été le hasard de la vie. J'ai croisé des personnes et qui m'ont fait confiance et... Et puis voilà, c'est un cheminement après qui s'est fait au fil des semaines et des mois et des années. Et la confiance. Vous passez des journées en solitaire ? Totalement. Totalement. Des semaines entières. Souvent on est à deux. Et puis après, ça dépend les chantiers, ça dépend comment c'est vendu. Je peux être tout seul. Là. J'ai fait un chantier pendant 6 mois, j'étais seul. Quand on dit à deux, c'est un gloutier, un chef de manœuvre. Un gars qui est enfin, mes yeux à l'extérieur en fait. Voilà, c'est là j'ai mon binôme qui s'appelle Bertrand là, et on passe 80% de notre temps de travail ensemble. Parce que moi je vois rien du tout ce qui se passe en fond de cul en fait. C'est lui qui m'oriente dans mes manœuvres, tout simplement. Un chantier, c'est un lieu d'invention permanent. Moi, j'ai pas plus d'admiration que pour un chef de chantier, mais même pour un petit chantier de réhabilitation d'un petit bâtiment dans une petite ville très modeste en quantité, j'ai une admiration sans borne pour le nombre de problèmes qu'un chef de chantier peut résoudre dans une journée. C'est assez formidable. Et personne n'en parle, et lui-même n'en parlera pas. C'est en l'observant. Pourquoi il n'en parlera pas? Parce que ça va de soi? Ça va de soi, c'est son métier, c'est comme ça. Finalement, il y a peu de gens qui parlent de leur métier. On devrait plus parler des métiers des gens. Le chef de chantier, il parle quelque part en silence. Même s'il parle, par contre, aux personnes qu'il a sous ses ordres. Il donne des ordres, enfin. Donc, c'est le lieu des rapports humains, des relations humaines, le chantier, à l'intérieur de cet univers. Et... les choses sont pas dites avec emphase, comme je peux le faire peut-être là, ni avec le lyrisme que je peux avoir, moi, mais elles sont dites quand même, de façon souvent très belle. Le petit stagiaire qui est là, ou le petit gars qui va être embauché, la façon dont le chef de chantier va le corriger, ou son chef d'équipe va le corriger, va être extrêmement structurant pour lui. C'est un lieu d'éducation et de formation extrêmement fort pour les jeunes. Et où le jeune qui n'a pas eu de formation, la chance d'avoir une formation, a une possibilité d'évolution, créative, inventive, s'il est lui-même dans une dynamique. Encore faut-il qu'il soit dans une dynamique, évidemment. Il y a beaucoup d'échecs dans les expériences de formation d'apprentis sur les chantiers, mais quand il y a des réussites, elles sont formidables. Les gens qui arrivent à... Parce que c'est encore un lieu où on peut... progresser sans avoir une armée de diplômes à présenter. C'est la qualité humaine qui prime, le savoir, une forme d'intelligence du réel, enfin, du concret, de la pratique, et c'est quelque chose d'assez formidable. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, et comme architecte, on est plutôt des intellectuels, on manie le crayon, le papier, la souris, manier la truelle, par exemple, le geste d'un plâtrier qui dresse un mur. Mais c'est splendide. Quand je suis arrivé chez Eiffage, j'arrivais d'une entreprise précédente où j'avais... découvert les travaux souterrains, compris que j'avais envie de diriger un chantier, et donc je suis arrivé chez Eiffage, et mon chef de l'époque, à qui j'ai dit, moi j'aimerais bien être... Jean-Luc Trottin. Directeur de chantier, pour résumer, il m'a dit d'abord, tu vas descendre et tu vas passer un peu de temps en galerie, en tant que chef de poste, c'est-à-dire l'homme qui dirige pendant 8 heures l'équipe qui fait avancer le tunnelier, et après on verra. Voilà. Donc pendant quelques années, j'ai travaillé sous terre avec les ouvriers, et effectivement, on comprend beaucoup mieux ensuite comment fonctionne l'équipe, ce qui motive l'équipe, ce qui fait qu'une équipe elle avance moins bien qu'une autre, comment se passe le relais entre une équipe et une autre, et tous ces petites choses font que je pense que ça aide à être un bon patron. De mieux comprendre la difficulté du travail sous terre. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça quelques temps. Ouais. Et je le redis assez souvent aux jeunes ingénieurs, faites-le pas longtemps, parce que c'est fatigant. Parce que quand on est ingénieur, on n'a pas cette intelligence des ouvriers qui savent prendre une barre de fer pour manipuler un tuyau. Nous, on va se faire des nœuds au cerveau, on va pas y arriver, alors qu'eux, en 5 minutes, ils ont déplacé le tuyau. Voilà, et ça, c'est leur intelligence, et faut leur reconnaître. En revanche, il faut y passer un peu pour comprendre comment ça fonctionne vraiment dans ces postes. Voilà. Parce qu'il y a, oui, là, il y a une confrérie qui se crée dans un poste. Il y a un esprit de corps, évidemment, il y a une compétition d'un poste à un autre, c'est à celui qui va faire le plus d'anneaux, ils en ont fait 5, je vais en faire 6. Ils en ont fait 6, je vais en faire 7. Tout ça dans le respect des règles de qualité du travail, de sécurité du travail. Voilà, donc c'est comprendre comment ça fonctionne pour plus tard le faire fonctionner. pense qu'une fois que tout le monde est sur le même chantier, si on appelle ça une équipe, c'est qu'il y a besoin que tout le monde prenne soin les uns des autres. Ils sont là pour travailler, donc pour s'entraider. Clément Imbert. Mais c'est un métier qui est mécanisé et qui peut vite devenir un risque si on ne fait pas attention à la sécurité. Et ça, l'esprit d'équipe va renforcer l'aspect sécuritaire sur un chantier. S'il n'y a pas la cohésion d'équipe, nos compagnons, on est obligé de changer et de remanier les équipes pour qu'il y ait un minimum d'entente. Et ça se ressent en termes de cadence d'exécution et surtout l'aspect sécuritaire sur le chantier. Est-ce que vous pouvez décrire la base vie ? La base vie, bien souvent, elle est composée sur les petits chantiers d'une roulotte mobile qui va avoir une partie vestiaire, une partie réfectoire, un sanitaire chimique qui va être positionné à côté. Pour les chantiers plus conséquents, comme on va voir sur la ZAC Maison Blanche, on va être composé de 5 bungalows de modulaires, type Algeco, de grands vestiaires, d'un bungalow avec des douches, des sanitaires, les lavabos, et ensuite de 2 bungalows de réfectoire, avec une petite kitchenette pour que les gars puissent se faire à manger ou réchauffer leur gamelle, et ensuite un 5e bungalow de bureaux réunion pour les réunions de chantier. Lorsque vous êtes sur un chantier, vous mettez un casque. Alors les casques, jamais, sauf en cas de levage. Arthur Lockman. Les casques pour la tête. Par contre, des casques anti-bruit pour les oreilles, puisqu'on travaille principalement avec des scies électriques, des scies circulaires électriques qui sont relativement bruyantes. Le plus souvent aussi avec des lunettes, enfin des surlunettes pour protéger mes propres lunettes. Tout en sachant que chaque équipement de protection est aussi une réduction de la capacité à apercevoir ce qui se passe autour, et donc met un peu en danger. Aussi bien un casque anti-bruit rend moins vigilant au bruit qui nous entoure, que des surlunettes perturbent un peu, réduisent le champ visuel. Donc il faut toujours trouver le bon équilibre entre protection et attention, enfin vigilance, par-delà les protections. Personne n'est à l'abri, malheureusement, de laisser où son marteau tomber. Ça peut arriver à n'importe qui, ou à un arrache-tout, comme j'en ai vu passer avant les oreilles une fois ou deux. Et dans ces conditions-là, même si vous avez le casque, mais si vous êtes plié en deux pour faire votre travail, si ça vous tombe sur les reins, c'est pas le casque qui va vous protéger, mais sur tout le corps. Dès lorsqu'on arrive, c'est un chantier, j'ai malheur à dire, mais il y a un danger. Alors il faut l'expliquer aux jeunes, il faut l'expliquer à ceux qui arrivent dans le chantier. Il faut leur montrer les secteurs où il faut y aller en faisant très attention, même s'il y a des garde-corps. Un garde-corps, c'est pas fait uniquement pour s'appuyer dessus et puis s'en servir comme d'une grue ou comme un truc pour pousser. Vous trouvez, Sophie Le Goupil, que c'est un monde particulièrement dur, le bâtiment ? Parce qu'il y a des risques, il y a des risques tous les jours, parce qu'il y a une hiérarchie, peut-être aussi pour éviter les risques, une hiérarchie très forte. Alors dur, non, c'est pas le terme que j'emploierais. Il y a beaucoup de rigueur, et heureusement, parce qu'effectivement, il y a des enjeux humains importants. On peut se blesser, donc on fait très très attention aux EPI, donc les équipements de protection individuelle. Il n'est pas question que quelqu'un vienne sur le chantier sans être équipé de ces EPI. Mais ce sont des journées dures, parce qu'il faut travailler quel que soit le climat, parce qu'il faut arriver très tôt. En fait, on a cette image du BTP, beaucoup. Alors c'est sûr qu'il y a des amplitudes horaires et qu'à un moment donné, quand il faut avancer, on avance. Mais bon, on est organisé en 3-8, quand on fait du 24-24, on respecte le rythme de vie de nos collaborateurs. Et puis les conditions climatiques, au final, notamment quand on travaille en génie civil, quand vous travaillez dans un tunnelier, au final, vous êtes à l'abri du très chaud l'été et du très froid l'hiver. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas forcément l'exemple le plus probant de conditions climatiques difficiles. Aujourd'hui, on a aussi des nouvelles technologies qui accompagnent beaucoup les collaborateurs pour les aider dans tout ce qui va être port de charge ou mouvement pour les troubles squelettaux, enfin musculaires, enfin tout ce qui concerne en fait le squelette, les muscles, pour éviter effectivement de trop solliciter les collaborateurs. On a par exemple développé un gant bionique qui permet en fait de décupler la force. C'est-à-dire que quand vous serrez quelque chose de lourd, ou vous voulez soulever quelque chose de lourd, vous faites le mouvement sans le gant bionique, vous allez solliciter énormément vos muscles. Si vous le faites avec le gant bionique, vous allez beaucoup moins solliciter vos muscles et du coup réaliser le même résultat avec beaucoup moins d'efforts. Elle a un bras mécanique, des joints en plastique, une pince de homard électronique. Le pouce et l'index sont en inox, dans un grand box super luxe. Un œil en onyx qui n'est pas de lynx, un pneumothorax en duplex, un fauteuil relax, un revers d'acier. Est-ce qu'il y a des mots propres à un chantier pour donner un ordre vite quand il faut aller vite parce qu'éventuellement la sécurité est en jeu ou, On crie beaucoup sur un chantier? Non, alors on essaye de ne pas crier parce qu'effectivement, on va dire qui dit cri ou pareil, on essaye de ne pas courir. Qui dit cri ou courir dit incident. Au niveau de l'encadrement, il n'y a pas de vocabulaire particulier. Plus que ça, c'est propre vraiment aux gens. Au niveau des ouvriers, si moi j'ai en tête une expression que j'avais entendue au début, qui m'avait surpris au début, maintenant elle me paraît naturelle. Quand on descend une charge à la grue pour dire au grutier de faire descendre, on dit moule moule moule moule moule. Et donc c'est vrai qu'au début, quand on arrive sur un chantier et qu'on entend moule moule moule moule moule, on se demande ce à quoi ça signifie. Et en plus là, effectivement, ils le disent à travers la radio, donc souvent pour être sûr d'être bien entendu, ils le disent quand même un peu fort. Mais après, voilà, on s'y habitue et je dirais que ça nous paraît maintenant naturel. Quoi. Les grutiers ont-ils des personnalités particulières? J'en sais rien. C'est une bonne question. Sûrement un peu. Moi, j'aime beaucoup monter dans les grues, plus pour la vue, parce que c'est vrai qu'il y a une vue qui est souvent exceptionnelle de là-haut. Après, eux sont souvent plutôt le nez vers le bas à regarder ce qui se passe en dessous, donc ils profitent sans doute pas de la vue comme moi quand je monte, mais je suis pas sûr qu'il y ait une personnalité particulière. Je pense qu'il faut effectivement aimer être seul. Oui. Vous montez... Alors maintenant, il y a des ascenseurs. Quand j'ai commencé, on montait à l'échelle. Sur les grandes grues, ce qu'il faut savoir, c'est que la grue, en fait, entre le vent et la charge qu'elle soulève, se déplace, en fait, peut se déplacer de plusieurs mètres en haut, la cabine. Et donc, c'est vrai que quand on monte les premières fois et qu'on est à 30 mètres de haut sur son échelle et qu'on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément rassurant de sentir la grue se déplacer comme ça. Mais bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les ascenseurs, on n'a plus ça. Est-ce que la discipline qu'il faut avoir sur un chantier pour des raisons de sécurité, pour l'organisation du travail, lorsque vous l'avez apprise, quand vous étiez apprenti, vous a bousculé? Déjà, quand j'ai commencé, moi, on était un petit peu borderline quand même sur la sécurité, il y a 21 ans, il faut l'avouer quand même. Et c'était nous et c'était tout en France. Je veux dire, à l'époque, si vous faites une recherche du nombre de décès sur les chantiers, c'était quand même très, très, très, très, très important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 20 ans et Jean-Luc, il y a plus de 30 ans. Non, ils en ont perdu des gens sur les chantiers. On s'en rend pas compte, hein, mais aujourd'hui, malheureusement, ça arrive encore, mais c'est plus dans les mêmes proportions. Ouais, c'est très, très pas du tout. Et ça arrive parce que... Par négligence, parfois, et comme on dit, un accident, c'est toujours bête. Et c'est pour ça qu'on fait très attention à la sécurité. Au niveau des gardes-corps, il y a 30 ans de ça, les gardes-corps en toiture n'existaient pas. Aujourd'hui, on met des gardes-corps de protection, mais les échafaudages, qu'il y a 30 ans, on ne mettait pas en place. Quoi. Parce qu'à l'époque, on était formés par des compagnons, il fallait savoir traverser une poutre dans le vide. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Voilà. Les peintres en bâtiment ont une tenue d'une couleur particulière. Oui, donc nous, on porte le blanc. Donc dans mon entreprise, ça va être vraiment le t-shirt blanc, pantalon, chaussures blanches. votre compagnon est couvreur. Oui. Quelle est la couleur des couvreurs? Alors, eux, ils travaillent en noir. Ah, comme les charpentiers. Ouais, c'est ça. Alors, leur tenue est assez similaire. Sur les chantiers, ils sont habillés pareil en général. Maintenant, ça s'est beaucoup standardisé, je vais dire, les électriciens, les plombiers. Mais bon, à l'origine, ils étaient en bleu, mais maintenant, c'est plutôt des tenues noires, beiges aussi. Mais c'est vrai que la différence, c'est que les charpentiers couvreurs vont souvent porter des largeaux, donc c'est les formes un peu spécifiques, c'est là où on les reconnaît. Dans La Vie Solide, vous écrivez que vous n'êtes pas particulièrement costaud. En plus, j'ai des lunettes et je suis gaucher. Ce qui fait un certain nombre de tares dans l'imaginaire traditionnel, disons, de l'ouvrier. Et vous expliquez que vos mains se sont très vite adaptées au travail physique et qu'en 15 jours, quand vous travaillez régulièrement, elles ont changé. Tout le corps se transforme, les muscles des bras, du dos, du ventre, tous les muscles du corps se transforment. Et ce qui est le plus frappant, c'est les mains, puisqu'il se développe une certaine raideur avec l'apparition des muscles dans les phalanges. Les doigts grossissent, s'épaississent, durcissent aussi, la peau s'épaissit, il y a de la corne qui naît à la naissance, enfin au début en bas des doigts. Et cette transformation, qui est en plus vraiment sous les yeux parce que c'est sur la main, est très frappante et très rapide. Et je me souviens de ces premiers moments de la formation où, avec les premières échardes dans les doigts et dans la paume, j'ai dû apprendre à les retirer puisque la plupart ne sortent pas tout seuls de la chair. Et donc il faut parfois, quand l'écharde est un peu profonde, ouvrir la main avec un petit cutter pour sortir, pour aller chercher l'écharde. Et ça aussi, enfin, c'est un exemple d'une situation assez typique, assez emblématique de ce que c'est que ce nouveau rapport à ses propres mains, comme un outil dont il faut prendre soin, et en même temps comme un organe encore plus vivant à travers ce rapport enrichi, ou cette espèce d'univers sensoriel qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on est en contact de la matière, qu'on apprend à distinguer les différents bois au simple toucher, qu'on apprend à doser sa force, la force qu'on met dans les doigts ou dans la main pour réaliser tel ou tel geste. En étant retournée travailler avec des architectes, parfois j'ai des expressions qui comprennent pas. Par exemple, on dit « sabiche » pour dire que quelque chose colle. Enfin, quand un assemblage en charpente biche, ça veut dire qu'on a vraiment les deux faces de bois qui se touchent parfaitement. Et donc c'est une expression qui passe dans le langage courant. Quand quelque chose va bien ou fonctionne bien, on va dire que ça biche. Voilà. Et on a des expressions comme ça. Mais je pense que comme dans tous les métiers, on a notre vocabulaire et qu'on, par exemple, avoir de l'orient, c'est quelqu'un qui sur le chantier, au moment de lever la charpente, va avoir, disons, une bonne vision des choses pour bien organiser et anticiper les choses. On dit que c'est quelqu'un qui a de l'orient. Et c'est aussi une expression qu'on va réutiliser dans la vie de tous les jours pour dire à une personne « Ah bah dis donc, t'as pas eu d'orient, là, pour préparer cette réunion ?» Enfin voilà, sur des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, on a notre petit vocabulaire aussi. Et ça biche, qui globalement veut dire « C'est bon, ça marche, ça colle ». Et il y a aussi plein de jargons un peu plus répandus pour désigner un outil, par exemple une scie qu'on appelle aussi Zag, ce qui est curieux parce que Zag, c'est le mot allemand pour une scie, Säge. Il y a aussi des termes qui désignent les différents niveaux d'expérience ou les différents postes. Le singe, c'est l'ouvrier le plus expérimenté. Il y a différentes explications. Il y en a une moqueuse qui dit que c'est parce que le singe, c'est celui qui regarde mais qui ne fait rien. Et puis il y a aussi le lapin, qui est l'apprenti, celui qui court pour aller chercher les outils, et qui donne aussi son nom au petit crochet qu'il y a au bout d'un mètre, puisque souvent, quand on mesure quelque chose, une pièce assez longue, il faut être deux, il faut que un aille à l'autre extrémité de la pièce de bois, et souvent c'est l'apprenti qui le fait, et qui prend donc ce petit lapin. Vous aimez, Maud, regarder les autres travailler lorsqu'ils ont des compétences pointues? Alors, je pense que c'est assez passionnant de regarder les autres travailler. C'est vrai que moi, je pourrais passer des heures dans un atelier à juste observer. Je trouve ça assez fascinant, même de voir les gestes métiers. Et c'est assez intéressant. Par exemple, l'année dernière, je me suis un peu mis au staff avec un ami Et ça me passionnait de les voir travailler la matière, de traîner des moulures, d'avoir les mains dans le plâtre. Ça, c'est quelque chose que je trouvais assez incroyable. Moi, je suis François Auger, donc j'ai 58 ans et aujourd'hui, je suis architecte du patrimoine. Donc en fait, moi, je suis issu d'une famille de 6 générations de couvreurs à côté de Montargis dans le Loiret. Et donc déjà, tout petit, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à être ici, à travailler à Notre-Dame aujourd'hui. Donc, mon père était artisan couvreur et l'été, je l'accompagnais quelques fois sur les chantiers. Et puis bon, au départ, son atelier se trouvait sous la maison. Donc, il y avait évidemment tout un tas d'outils qui me permettaient, en tant que gamin, de faire mes petites cabanes, bricoler tout un tas de choses avec un marteau, une scie. Voilà, donc j'étais dans l'ambiance déjà... Donc mon père, lui, est compagnon couvreur et aussi meilleur ouvrier de France en couverture. En attendant, comme je n'aimais pas l'école, puis j'aimais bien bricoler haute, je me suis orienté, dirigé un petit peu dans les traces de mon père, non pas en tant que couvreur, mais en tant que charpentier, pour plusieurs raisons, parce que pourquoi pas couvreur pour faire la 7e génération qui suivait, parce que mon père avait quand même une notoriété chez les compagnons couvreurs, et comme j'allais engager un apprentissage chez les compagnons, je voulais pas faire couvreur pour deux raisons, pas pour être le fils de mon père qui avait une notoriété et d'avoir peut-être des avantages ou d'avoir une autre considération que les autres, et aussi j'appréhendais à ce qu'on n'attende pas de moi le même niveau que mon père, etc. Donc la chose aussi la plus simple, c'était donc du fait de faire charpentier. Alors vous êtes quoi, le patron? Oh, je suis le maître compagnon, je suis le petit patron, je suis tout. Oui. Si je vous demande quel est votre métier, qu'est-ce que vous me répondez, monsieur Vergès? Je suis charpentier de haute futaie. C'est le vrai titre? C'est le vrai titre, oui, à l'ancienne. Pourquoi de haute futaie? Eh, parce qu'à la haute futaie, vous savez, autrefois, il y avait des charpentiers de la grande de Cogny. C'était ceux qui coupaient les arbres dans les forêts. Mmh. Et puis de la haute futaie, ceux qui montaient très haut. Il y a 20 mètres à la voûte, là. Et aux flèches, il y a 35 mètres. 1965. Qu'est-ce qui vous a appris le métier? C'est votre grand-père? C'est la vie qui m'a appris le métier, monsieur. Mon grand-père m'a appris à doler les arbres. Mon grand-père était bûcheron à Malbéar. Par exemple, vous ne regrettez pas quelquefois de n'avoir pas fait d'études, par exemple? J'ai fait beaucoup d'études, monsieur. Moi, je ne les ai pas faites à l'université. Tout a été pour moi une université. Un jour à Bordeaux, j'avais un cousin qui était coiffeur. Sa mère me dit, il est bachelier. Me dire qu'il était bachelier, ça m'avait fasciné. Un cousin bachelier. Moi, je faisais le tour de France. Alors, il avait une bibliothèque extraordinaire. J'ai commencé à voir que dans les livres de sa bibliothèque, les trois quarts n'étaient pas ouverts. Et quand je voulais en ouvrir, je cassais la jaquette. Et puis enfin, j'ai trouvé l'insurgé de Valès. C'est peut-être lui qui m'a donné le goût de lire des romans. Alors je lui ai dit qu'il me le prête, il n'a pas voulu. Il m'a dit tout, mais pas les livres. C'est ses outils, disait la maman. Ben, je lui ai piqué le livre. Et je ne regrette pas. Donc je suis parti à 16 ans chez les compagnons, dans un petit village à côté de Châteaudun. Donc une très bonne entreprise qui faisait de la charpente, de la couverture et qui avait aussi une scierie. Et donc... c'est très important, quand on débute, je pense, un métier quel qu'il soit, d'être dans une entreprise où il y a aussi du patrimoine humain, en savoir-faire et en humanité, parce que c'est un très bon accompagnement pour le reste du cheminement dans un métier où on veut en faire sa vie. Et donc là, je m'en suis rendu compte, ça, en fait, après que j'ai été gâté d'avoir été dans une entreprise comme celle-là, parce que... en comparaison avec d'autres jeunes sur le Tour de France, ça fait quand même une différence, autant pour développer une passion et puis un apprentissage sur le tas. Donc moi, j'étais avec des vieux de la vieille, comme on dit vulgairement, qui m'apprenaient toutes les petites combines avec des gabarits, tout ça. Et j'ai eu de la chance parce que quand j'ai poursuivi mon Tour de France en Bretagne, en Alsace, à Bordeaux, à Marseille et autres, j'ai eu de la chance parce que finalement, je me suis toujours retrouvé le petit gamin, qui a grandi évidemment après, mais sous la coupe de maître d'apprentissage, de gars à l'atelier qui avait toutes ces petites combines. Et il fallait effectivement avoir la cote avec eux parce que c'était un petit peu vos pères spirituels qui se confie et qui vous révèle toutes ces petites astuces. Les compagnons, c'est une élite, les compagnons du Tour de France. C'est en tout cas des ouvriers qui sont particulièrement qualifiés par le fait qu'ils ont derrière eux un Tour de France. C'est-à-dire qu'après avoir obtenu leur CAP et avoir été reçus aspirants, c'est-à-dire candidatés pour partir sur le Tour, avoir été acceptés comme compagnons ou comme aspirants compagnons, ils ont ensuite passé entre 3 et 7 années à parcourir les chantiers en France, voire à l'étranger, et donc à se former aux différentes techniques qu'on peut trouver dans différentes régions, c'est-à-dire en fonction de différentes contraintes géographiques et aussi nourries par différentes traditions locales qui tiennent à la fois aux matériaux qui sont disponibles dans une région, mais aux conditions donc météorologiques ou climatiques de telle région. Et donc ils ont cette qualification supplémentaire qui est ensuite reconnue ou confirmée dans la réalisation d'un chef-d'œuvre qui est l'œuvre de réception comme compagnon, qui est examinée par des compagnons déjà reçus et qui ensuite permet de devenir compagnon, d'être reçu compagnon et d'être considéré, enfin d'avoir ce titre. Qui donc distinguait les compagnons parmi les ouvriers titulaires d'un simple ou d'un seul CAP. Moi, je me rappelle, dont mon fils aîné, qui est ingénieur des ponts et des chaussées, je l'avais amené voir un pont que je faisais à Séoul. Il était à quelques mois de diplômé, c'est quand même une des plus grandes écoles françaises, l'école nationale des ponts et des chaussées, il n'avait jamais mis les pieds sur un pont. Vous vous rendez compte? Bon, il savait que c'est un brillant ingénieur aujourd'hui, mais cette abstraction... Cette abstraction, cette distanciation à l'égard du monde du travail, elle est morbide. Elle raconte une odeur de la mort. Elle horizontalise tous les fragments de récits dont nous avons la responsabilité de l'assemblage. Voilà. Et j'aime bien qu'on... Je pense qu'on doit monter à la soie en premier. Vous voyez ? Et pas rester au fond de la tranchée planquée d'envoyer les autres à la baston. Hein. Il faut prendre des risques. Il faut se mouiller pour les autres, c'est tout. Et pas se plaindre dès qu'il y a une difficulté, tu vois, derrière la réglementation, derrière le bureau de contrôle, derrière ceci, derrière cela, il faut y aller à la baston. Après, si tu veux pas y aller, il faut changer de métier. Voilà, on peut faire croque mort, c'est moins dangereux, il y a moins de risques. Merci. Le tout Paris s'imagine, c'est très drôle, quand revient le mois de juillet. On le respire tranquillement qu'à la boule, à Deauville et au Touquet. Moi je le proclame, en plein Paname, on trouve quand vient l'été. Le long de la Seine, des coins sans gêne et plein de tranquillité. Du point du jour à Charenton, sous les ponts, il y fait frais, il y fait bon, sous les ponts. Le soir c'est positif, on y fait la pelote, et comme apéritif, on a toujours de la flotte. Y'a pas de pourboire pour le garçon sous les ponts. Quand on est jeune et qu'on voit des maîtres d'apprentissage, en fait, si vous voulez, il y a comment dire, une notoriété ou une écoute, une attention qui vient tout naturellement parce qu'on a envie de ressembler à la personne qui est devant nous et on a envie de faire, d'essayer de faire aussi bien. Voilà. Donc j'ai toujours souvenir aussi de ce maître d'apprentissage et du coup, entre-temps, lui s'est retrouvé à avoir monté une entreprise en Guyane et avoir remporté un appel d'offres pour une église contemporaine à Matoury. Et du coup, je venais à peine de revenir d'Arabie Saoudite. Il me téléphone savoir si j'étais dispo parce que j'étais libre libre de cœur aussi. Donc, si vous voulez, de sauter dans un avion et d'aller ailleurs, ça me posait absolument aucun problème de ce fait. Et donc, je me suis retrouvé 15 jours après à survoler la Guyane avec des songes avant d'arriver à l'aéroport de Cayenne en me disant, tiens, depuis le temps que je fais des charpentes pour les uns les autres, ça serait peut-être un moment donné où je puisse construire ma propre maison. Et à un moment donné, je survole la forêt guyanaise et je vois cette immense forêt comme des brocolis. Et là, je me suis, à travers le hublot, je me suis dit, ouais, il a dit non, il y a de la matière première. Donc, comme un castor ou j'en sais rien, je me suis dit, là, on va se régaler. Donc j'ai été accueilli par mon ancien maître d'apprentissage. C'était en quelle année, pardon? En 90. Voilà. Donc il m'a hébergé. L'église a pris du retard dans le début des travaux, donc on a fait d'autres chantiers entre-temps. Et puis petit à petit, dans cet entre-temps, je me suis retrouvé à trouver un terrain en route des plages. Et puis d'avoir été amené à dessiner. Donc j'étais le client, le charpentier, puis le pseudo-architecte, parce que j'ai fait une maison à l'époque qui faisait évidemment moins de 170 mètres carrés pour ne pas avoir recours à un architecte. Pardon, pourquoi vous vouliez avoir votre maison? Parce qu'il avait une solution pour vous loger, peut-être, ce maître d'apprentissage. Pourquoi vous vouliez votre maison? Au-delà de ça, je ne sais pas, c'est comme... planter un arbre pour certains, écrire un livre pour d'autres. Et en tant que constructeur ou de bâtiment, à un moment donné, ce qu'on fait au quotidien pour les autres, on a envie de le tester pour soi-même. Le bois est un matériau qui vient directement de la terre, on le sent, monté de la terre. Il a pris à la terre tout ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur. Le fer, c'est une synthèse. Le béton, c'est une synthèse. Tandis que le bois, on a l'impression, je vous l'ai dit, c'est le frère de l'homme, c'est le frère du charpentier. Alors dans le bois, nous avons des sensations de fraternité, d'amour même, je dirais, d'amour du bois. Un charpentier aime le bois. Alors je ne sais pas si j'avais été serrurier, par exemple, ou bien si j'avais été mécanicien, si j'aurais eu le même esprit, hein. Le même esprit du métier, j'ai dit bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est un charpentier, exactement? Un charpentier, c'est un homme de l'espace. Et il faut qu'il soit un homme de l'espace, mais c'est aussi un homme de la mer. Parce que les anciens disaient que l'architecture vient de la mer. Je crois que les premiers architectes ont été des charpentiers. C'est des vies que vous trouvez particulièrement dures, les vies d'ouvriers qui travaillent parfois loin de chez eux? C'est forcément des vies dures, déjà par les horaires. On est dans un milieu où on commence très tôt. Les ouvriers démarrent généralement entre 7h et 8h le matin. Et quand on est en poste, ça peut même être 6h le matin. Donc c'est déjà dur par les horaires. C'est dur aussi effectivement par le côté géographique. Moi, on est sur le périmètre Île-de-France, donc on peut être amené à aller sur un chantier n'importe où en Île-de-France. Et l'Île-de-France, ça peut vite être 1h30 de trajet. Donc on essaye d'en tenir compte, mais malheureusement, on doit aller là où il y a de l'activité. C'est-à-dire qu'on peut pas forcément toujours être à 10 minutes de chez soi. Et après, c'est un métier surtout difficile parce qu'on est en extérieur. Alors on travaille énormément sur mécaniser, je dirais, les tâches et faire en sorte qu'il n'y ait pas des tâches physiques éprouvantes. Néanmoins, il faut régulièrement monter dans les échafaudages, monter sur les banches. On est toujours en extérieur, même quand il pleut. Donc c'est éprouvant de par le côté du travail en extérieur, des horaires. Mais après, on a aussi des ouvriers qui aiment ça et qui ne changeraient pas de boulot pour rien au monde. On a plus de mal avec les jeunes générations, d'ailleurs, qui effectivement ont plus de mal avec cette dureté du métier et qui de plus en plus lâchent l'affaire au bout de quelques mois ou quelques années. Mais on a des ouvriers qui approchent de la retraite et qui sont avec nous depuis plus de 40 ans, quoi. Le moment agréable aussi, c'est la fin de journée, quand on passe juste son coup de balai dans l'atelier ou sur le chantier pour ranger. Et quand c'est la fin de semaine et qu'on se retrouve avec tous les collègues pour boire un verre et voir aussi les collègues qu'on voit pas forcément parce qu'il y a plusieurs équipes dans l'entreprise. Et on se retrouve tous ensemble pour parler de nos chantiers. Voilà, c'est deux moments importants. Je saurais pas trop quoi dire quoi d'autre comme rituel en charpente. Enfin, c'est assez normal comme métier, quoi. Il n'y a pas de particularité. Vous avez appris à porter des choses très lourdes? De toute façon, ça fait partie du métier, donc oui. Après, on apprend à porter. Et c'est vrai qu'on peut avoir un peu des a priori au début parce qu'on est une femme, ou alors parce qu'on est jeune, ou alors parce qu'on... Par exemple, quelqu'un qui était en troisième, qui a toujours été à l'école et qui d'un coup se retrouve sur un chantier peut aussi avoir un peu peur parce que on n'a jamais porté. Donc c'est pas forcément juste le fait d'être femme, c'est globalement toute personne pas habituée à ça. Et oui, on apprend. Et suivant les personnes avec qui on apprend, certains apprennent mal et forcent et font. Enfin, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui sont un peu vieille école, qui disent, qui sont un peu dans le côté virilité du métier et qui considèrent que si on porte pas plus lourd et plus fort que le voisin, ben on n'a pas de couilles en fait. C'est un peu terre à terre, mais c'est comme ça. C'est assez paradoxal quand le collègue en question qui nous demande de porter plus lui-même a les deux genoux pétés alors qu'il a 35 ans. On a envie de lui dire, mais en fait, j'ai pas envie d'être comme toi, donc je vais essayer de réfléchir autrement. Et au contraire, j'ai eu des collègues plus âgés, donc au contraire, on pourrait croire qu'ils sont vieille école, mais au contraire, avec l'expérience et la, je sais pas si on peut appeler ça une sagesse, au contraire, me reprenait quand je forçais et que je faisais mal les choses en me disant « Mais non, te fatigue pas. Tiens, utilise tel outil ou telle technique et tu vas voir, ce sera plus facile, plus rapide, tu vas moins te faire mal. » Et c'était fabuleux. Quand on tombe sur des collègues comme ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'on apprend à vraiment bien travailler. Et donc oui, porte des choses lourdes, mais ça fait partie du métier. Mais se faire mal ne fait pas partie du métier. Et donc c'est un équilibre à trouver. Une étape importante a été franchie aujourd'hui au viaduc de Millau, qui sera le plus haut viaduc du monde. Désormais, les parties nord et sud du tablier se rejoignent. Et quand il sera mis en service à la fin de l'année, c'est un bouchon bien connu des vacanciers qui disparaîtra. Patrick Hester. Il est 14 heures, passé de quelques minutes. 2004. À 275 mètres au-dessus de la vallée du Tarn, les vérins hydrauliques poussent le tablier métallique de 175 mètres de long, millimètre après millimètre. L'équipe de service guette l'espace qui se referme entre les tabliers nord et sud. Là, il y a 370. Sous la pression, la bouteille de champagne explose, c'est fini. Ça fait des années qu'on est dessus, et puis bon, bah, quand on voit que c'est un ouvrage quand même qui est très, très important, je pense que tout le monde en tire une grosse satisfaction. Soulagement, parce qu'on arrive à la fin d'un ouvrage, donc on est très heureux, très, très heureux. Pilotés par satellite et sous le contrôle d'ordinateur, les deux tabliers se sont positionnés au millimètre près. Les causes du Larzac communiquent désormais avec celles du Nord. Fierté légitime pour les 500 ouvriers qui ont travaillé 2 ans et demi à l'ouvrage de 2460 mètres de long. Une fois la jonction effectuée, pour réaliser le clavage, il faudra encore souder les deux éléments métalliques. Vérifier bien sûr la qualité de ces soudures qui ne tolèrent aucun défaut. Puis, ériger des pylônes métalliques de 90 mètres de hauteur sur lesquels seront accrochés les haubans qui supporteront définitivement le tablier. Une fois les charges équitablement réparties, les techniciens pourront démonter les palets qui supportaient provisoirement ce tablier. Bah, nous, on fait tout ce qui est façade. Quoi. On fait tout ce qui est décapage de briques, les accrotères, les représentants, oui, tout ce qui est au niveau de la façade. Quoi. Je suis d'origine portugaise, je suis né en France, mais je suis parti très très jeune au Portugal et je suis revenu en 2004 quoi. Et du coup, je suis resté dans la même boîte jusqu'à aujourd'hui quoi. Moi, je fais le compteur de travaux depuis 5 ans. Et vous faisiez quoi quand vous étiez compagnon ? Peintre, je travaille dans la peinture. Pour tout vous dire, au bout de 12 ans, j'ai envisagé d'arrêter. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Il faut apprendre à le gérer. Il y a les délais de livraison, il y a les problèmes techniques sur le terrain. C'est plus stressant. D'un côté, c'est vrai que physiquement, c'est beaucoup moins pénible, mais ça reste quand même un travail stressant. Mais c'est vrai que j'étais plus tranquille comme ouvrier, quoi, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est un milieu professionnel qui est parmi les plus durs, hein ? Le bâtiment ? Oui. Ah, je ne pense pas, non. Il doit y avoir, par exemple, moi je pense que, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les gens qui travaillent sur les routes, je pense que ça doit être beaucoup plus pénible, je pense. Après, c'est vrai que dans le bâtiment, on a plusieurs branches. Étancheur, c'est très pénible. Vous imaginez avec les chalumeaux, le goudron, l'été, ça doit être très pénible. Après, le gros œuvre aussi, c'est plus lourd. Après, même dans le bâtiment, il y a différentes branches, les unes plus pénibles que les autres. Hein. C'est pas. Mais ça reste quand même un monde. Bah, la preuve, aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est des immigrés. Quoi. Ça reste des gens qui viennent de l'étranger. Quoi. ça reste quand même dur, ça reste un milieu très très dur de bâtiment. Mais donc la petite anecdote que je voulais mentionner, elle me vient d'un chantier que j'avais fait en Allemagne. Et en Allemagne, les compagnons laissent ce qu'ils appellent des bombes à retardement, Zeitbombe, qui consistent à rédiger un petit mot qui relate un peu les conditions du chantier, le nom des ouvriers qui ont travaillé, quelques informations sur l'époque. Et ce petit mot, on l'enferme dans un bocal, en verre, enfin dans un récipient, quoi. Et on le cache dans un endroit qui n'est pas accessible, ou en tout cas qui n'est accessible que aux personnes qui viendront, qui interviendront à nouveau sur la charpente ou sur la couverture. Ce qui fait que c'est seulement 40 ans ou 50 ans plus tard que ce bocal sera découverte et que, en l'ouvrant, donc la bombe temporelle explosera. L'air qui a été enfermé 50 ans auparavant sortira de ce bocal. Et les ouvriers qui travaillent actuellement sur le chantier découvriront ce qui a été écrit. Et le simple fait de poser cette bombe, cette bombe à retardement, indique la façon dont on se projette, dont on se rapporte au temps et au temps dans lequel s'inscrit son travail. Si on peut poser une telle bombe, c'est qu'on sait que ce qu'on a fait, ce qu'on vient de réaliser, va durer suffisamment longtemps pour que ça ait du sens de laisser un mot comme celui-là qui raconte quelque chose que les gens qui interviendront ne pourront pas connaître à part à travers ce mot. C'était Les Chantiers. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Luc Weisman, architecte. Maude, peintre en bâtiment. Jean-Luc Lemoine et Jean-Bernard Payet, conducteurs de travaux et charpentiers. Rudy Ricciotti, architecte. Anthony, grutier. Jean-Luc Trottin, ingénieur. Clément Imbert, conducteur de travaux. Arthur Lockman, écrivain et ancien charpentier. Benoît Lapostole, ingénieur. François Auger, architecte du patrimoine et charpentier. Prise de son, Nicolas Mathias, Jérémy Tuile, Raymond Albuy et Fabien Gousset. Recherche INA, Clary Monac. Mixage, Bruno Mourlan. Merci à Romain Boursier et Anne Bloch-Lenné. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur l'échafaudage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, travail d'équipe. Mais en attendant, restez à l'écoute.